Chapitre 5e. Après 2 ou 3 semaines passées à Fresnes dans les enchantements de leur mutuel amour, monsieur et madame de Rias s'installèrent à Paris vers le commencement d'octobre, dans un petit hôtel de la rue Vaneau, qui appartenait à Lionel. Madame Fitzgerald revint en même temps occuper son appartement de la rue de la Chaussée-d'Antin. C'était un peu loin de sa fille, mais elle était habituée à son quartier, qui était un quartier tranquille, comme elle le disait intrépidement. La vérité est que le faubourg Saint-Germain, par sa solitude relative, lui rappelait la paix des champs qu'elle avait en horreur. On était au premier jour de février de l'hiver suivant, et la lune de miel n'avait pas cessé de briller de son plus doux éclat dans le ciel du jeune ménage, quand un matin Madame de Rias manda sa mère auprès d'elle par un billet furtif. Madame Fitzgerald accourut aussitôt rue Vaneau. Après une mystérieuse conférence avec sa fille, elle alla trouver M. de Rias, qui travaillait dans sa bibliothèque. Elle avait les yeux humides, mais le visage radieux. « Mon ami, lui dit-elle d'une voix émue, Marie est un peu souffrante ce matin, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Par une timidité bien naturelle chez une jeune femme, elle n'a pas osé vous dire elle-même. Enfin, mon ami, allez l'embrasser. »« Comment, vraiment, chère madame ? » dit Lionel. « Oui, mon ami, allez l'embrasser, ça la remettra. » reprit M. de Rias. Est-ce qu'elle se tourmente? Est-ce qu'elle s'affecte? Pourquoi voulez-vous qu'elle s'affecte, mon ami? Elle a la plus belle santé de la terre, elle ne s'affecte pas le moins du monde. Mais enfin, c'est une circonstance qui étonne toujours un peu les jeunes femmes, n'est-il pas vrai? Ainsi, allez l'embrasser. Lionel s'empressa d'aller remplir cet agréable devoir, tandis que Mme Fitzgerald parcourait la bibliothèque à pas lents, et s'éventait doucement avec son mouchoir en parfumant l'air autour d'elle des plus fines essences. Quelques minutes plus tard, la table de famille réunissait pour le déjeuner 3 convives parfaitement heureux. Madame Fitzgerald, fière de sa fille, la contemplait d'un œil de triomphe attendri. Madame de Rias, secrètement fière d'elle-même, laissait voir un mélange de gaieté et de confusion tout à fait charmant. Lionel admirait sa femme, qui lui apparaissait extrêmement touchante sous cette face nouvelle de jeune mère en fleurs. L'intéressant événement qui venait de lui être officiellement communiqué causait d'ailleurs à M. de Rias plus d'un genre de satisfaction. Non seulement il flattait son légitime orgueil de famille, il éveillait en même temps dans son cœur les mouvements d'une sensibilité généreuse. Il semblait aussi devoir mettre un terme à une première période du mariage que Lionel avait acceptée avec bonne grâce, mais dont il commençait à souhaiter ardemment la clôture. Cette période avait été naturellement consacrée à l'amusement de sa jeune femme, et en particulier aux plaisirs mondains qui ont pour une nouvelle mariée l'attrait du fruit défendu. Il l'avait menée au petit théâtre avec sa cousine de Chelles. Il lui avait laissé savourer jusqu'à l'aube les ivresses du cotillon. Il lui avait permis la chasse à cour, bref, il l'avait fêtée et gâtée en amoureux et en galant homme. Il l'avait même accompagnée dans ses visites de noces, bien que le cercle lui en parût démesurément étendu. Parmi ses plaisirs et ses obligations, il y en avait bon nombre dont M. de Rias avait dès longtemps, comme la plupart des hommes de son âge, perdu le goût et l'habitude. Pour son compte, il ne faisait plus de visites que très rarement, se résignant aux plus nécessaires ou choisissant les plus agréables. Il avait été autrefois un fougueux conducteur de cotillons, mais il avait peine à concevoir qu'il eût pu jamais jouer ce rôle puéril, et les réunions mondaines, surtout celles où l'on dansait, lui étaient devenues souverainement insupportables. Il passait ses soirées à son cercle quand il ne les donnait pas à l'étude. Il allait encore au théâtre, mais le plus souvent en dilettante blasée, c'est-à-dire derrière la toile. Soutenu par la puissance initiale de sa passion pour sa jeune femme, il avait repris momentanément avec complaisance quelques-uns des goûts de sa propre jeunesse. Cette phase aiguë du mariage était entrée au reste dans son programme, mais il n'entendait pas qu'elle passât à l'état chronique, et il commençait à rêver aux moyens d'apaiser et d'asseoir sa vie conjugale, quand l'heureuse indisposition de Madame de Rias vint résoudre ce problème avec une opportunité providentielle. Quelques craintes lui restaient encore. Il appréhendait que sa femme, arrêtée ainsi dans son premier élan, en pleine fête mondaine et au cœur de l'hiver, ne bouda contre sa destinée et n'essaya même de s'obstiner contre elle. À cet égard, il se trompait. S'il avait son programme, sa femme avait le sien, et ce qui lui arrivait en faisait partie. C'était le complément prévu et même désiré de sa parure de mariée et de sa dignité de femme. Elle avait toujours entrevu ce berceau au fond de sa corbeille. Loin de prétendre se dissimuler à elle-même ou de dissimuler aux autres ses espérances maternelles, elle en fit au contraire étalage et se plut à en accuser les symptômes avec un innocent orgueil. Elle renonça sans hésiter aux sorties du soir et reçut dès ce moment ses visites en robe flottante, étendue sur sa chaise longue et affectant des langueurs prématurées. Tout cela parut très rassurant à M. de Rias. Une si complète et si aimable résignation à cette épreuve austère ne le laissa guère douter qu'il n'eût trouvé en Mlle Fitzgerald l'idéal qu'il avait rêvé et qui est le rêve général de son sexe, une femme d'intérieur. Fort satisfait du présent, Lionel portait des yeux confiants sur l'avenir. Quelle cause, en effet, pourrait altérer désormais une union dont chaque jour d'intimité avait serré les liens et mieux établi l'harmonie? De la part de sa femme, aucun danger à prévoir. Il avait, depuis quelques mois, appris à la bien connaître. Elle était parfaitement droite et vraie. Elle n'avait que d'honnêtes instincts, fortifiés par l'éducation et par les exemples qu'elle avait reçus d'une mère honnête femme. Elle aimait son mari, et elle avait tout ce qu'il fallait pour lui plaire et se l'attacher. Charmante à voir, elle ne l'était pas moins à entendre, car elle avait infiniment d'esprit. Son seul défaut était l'insuffisance évidente de son éducation intellectuelle, de son instruction. En diverses circonstances, Lionel avait pu constater que les connaissances de sa femme en matière historique et littéraire étaient étrangement vagues. Mais il y avait dans son ignorance même quelque chose de piquant, et M. de Rias s'amusait beaucoup des fantaisies de son érudition. Quant à lui, il avait beau s'interroger sévèrement, il ne se voyait ni coupable, ni capable des torts généralement attribués aux maris malheureux par leur faute. Sans s'exagérer ses avantages personnels, il les connaissait et puisait de justes motifs de confiance. Il était digne de l'affection d'une femme, il avait conquis, à n'en point douter, le cœur de la sienne. Par quelle faute ou par quelle maladresse pourrait-il jamais se l'aliéner? Il n'irait pas assurément se briser contre les écueils vulgaires, et il n'aura même pas grand mérite à les éviter, car aucun de ses penchants ne l'attirait. Il n'était pas avare, et il avait réglé avec une grande libéralité la pension de Mme de Rias et son état de maison. Il n'était pas homme à perdre et à démoraliser lui-même sa femme en l'amenant souper dans les cabinets particuliers. Il n'était pas aveugle, et il saurait écarter de son ménage les intimités périlleuses au lieu de les y appeler comme tant d'autres. Il était revenu de bien des choses. Il aimait sa femme d'ailleurs et ne se sentait aucune tentation de lui infliger d'outrageantes rivalités. Bref, de son côté comme du côté de Mme de Rias, il ne voyait, après mûr examen, que des garanties d'union paisible et de bonheur durable. Sur ces flatteuses réflexions, il se mit gaiement à organiser sa vie nouvelle comme il la comprenait. Homme de mœurs élégantes, M. de Rias était en même temps homme d'études. Il était instruit et lettré. Il avait débuté autrefois avec un mérite remarqué dans la diplomatie, mais il avait quitté brusquement cette carrière pour venir habiter avec sa mère quand elle était demeurée veuve. Afin d'occuper une oisiveté qui lui pesait et qui le mortifiait, il avait entrepris alors assez mystérieusement une œuvre littéraire considérable qu'il relevait à ses propres yeux en attendant qu'elle lui fît publiquement honneur. C'était une histoire de la diplomatie française au XVIIIe siècle. Ce sérieux travail, souvent ralenti et quelquefois interrompu par les distractions d'une vie tout extérieure, Lionel s'était toujours proposé de s'y appliquer d'une manière soutenue le jour où le mariage aurait rendu son existence plus fixe en rendant son foyer plus attrayant. Ce jour étant venu, il se tint parole et passa désormais une partie de son temps à recueillir aux archives des affaires étrangères des matériaux qu'il classait ensuite et mettait en œuvre dans sa bibliothèque. Pour faire diversion à cette occupation sévère, M. de Rias reprit avec plaisir quelques habitudes qui lui étaient devenues à peu près indispensables et qui lui parurent honorablement conciliables avec l'état de mariage. Connaisseur en fait d'art et très curieux des choses du sport, il aimait à suivre le mouvement parisien dans ses manifestations incessantes et variées. Il aimait à le saisir au jour le jour sur le vif, tantôt dans les salons de son cercle, tantôt dans les tribunes des courses, parfois dans les foyers et dans les coulisses des théâtres. Sa jeune femme, cependant, l'attendait sur sa chaise longue avec une tendre impatience. Il la retrouvait lui-même avec un contentement sincère et profond, car ce genre de vie réalisait ses espérances les plus ambitieuses. Un doux visage souriant, lui faisant accueil dès qu'il rentrait au logis, une femme attentive à lui épargner les menus soucis de la vie matérielle, un foyer toujours vivant, des fleurs toujours fraîches, un asile toujours prêt pour les heures de fatigue et d'ennui, bref, le charme d'un intérieur gracieux, orné, paisible, s'ajoutant à l'intérêt de ses occupations et de ses distractions personnelles, c'était bien là le mariage tel que M. de Rias s'était plu à le concevoir, et il n'est pas le seul. À part quelques appréhensions naturelles, le temps que la jeune madame de Rias passa sur sa chaise longue fut pour elle, comme pour son mari, un temps délicieux. Elle était très visitée et très entourée. Ses brillantes cousines, mesdames de Loris, de Chelles et d'Estrény, lui apportaient à peu près chaque jour les nouvelles de la ville. Sa mère ne la quittait que pour courir les magasins et choisir les divers éléments de la layette, qui était ensuite soumis à l'approbation de madame de Rias. La chaise longue et le parquet même étaient continuellement inondés de lingerie fine, d'étoffes de laine, de dentelles, de rubans et de petits capuchons étranges. Mesdames de Loris, de Chelles et d'Estrény péroraient sur tous ces articles et offraient les avis de leur expérience. Monsieur de Rias tombait vers la fin du jour au milieu de ce cercle d'agréables matrones et y redoublait l'animation. Il arrivait généreusement les poches et les mains pleines de petites boîtes, de gros sacs, de paquets mystérieux. On développait tout cela, on admirait les bijoux, on se partageait les fleurs, on croquait les bonbons, enfin c'était une fête. L'arrivée de la comtesse Jules vers la fin du mois d'août imprima aux circonstances un caractère plus grave. Quelques jours plus tard, on put la voir dans l'église Sainte-Clotilde, tenant sur les fonts de baptême le jeune Louis-Henri Patrice de Rias. Le lendemain, elle repartit avec son tricot pour son manoir des environs de Cherbourg.